Hitboxygène présente le bruit de fond. Le bruit de fond. Amis d'Xboxygène, bienvenue à ce nouvel épisode du bruit de fond. Et j'aimerais commencer cet épisode déjà par vous remercier. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors je sais qu'on a tendance à souvent dire ça, mais je vois les stats et je vous assure, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Il semblerait que vous avez vraiment bien apprécié le dernier épisode qu'on a enregistré sur les haters de tout poil. Alors on s'est dit, bon, ok, très bien, on a ramené du monde, on va en profiter pour traiter d'un autre sujet qui vous aurait peut-être pas fait cliquer si vous nous connaissiez pas, puisqu'on va parler des jeux indés. Alors la question qu'on va peut-être se poser ce soir lors de cet épisode du bruit de fond consacré aux jeux indés, c'est « et si on pouvait jouer autrement ?» Parce que tout bien considéré, est-ce que c'est pas là que se trouve la seule véritable innovation de cette génération de consoles, maintenant ouverte à tous ces jeux qu'on ne trouvait jusque-là que sur PC ? Ça valait bien un numéro entier consacré au sujet, et j'aimerais faire un petit message à notre auditeur Steve X, hein, en passant, qui s'est plaint lors du dernier épisode que le bruit de fond était un peu trop répétitif. Alors pour celui-ci, hein, j'ai préparé toute une tracklist de musique venant de jeux indés, il y a beaucoup de variétés dedans, je compte sur toi pour me faire un retour sur cette question, me dire si cette fois-ci tu es satisfait. Alors comme d'habitude, hein, je ne suis pas seul et ce soir j'ai du lourd avec moi et quand je dis du lourd, c'est du lourd. Hein. De grands bavards qui vont tout faire pour me faire tourner en bourrique et je vais commencer par Jarel qui revient nous voir. Ça faisait longtemps que t'étais pas venu nous voir, Jarel. Ouais, comment vas-tu, mon ami ? Bah écoute, j'ai vu de la lumière, j'ai entrouvert la porte, je t'ai vu, donc je suis très content d'être ce soir avec vous tous pour parler donc en toute indépendance du jeu indé. Oh là là, qu'est-ce qu'il a ? Je suis allé chercher loin celle-là. Waouh, ça démarre quand même très très fort et je me suis dit. Ah punaise, hein. École Carambar, hein, 4 ans. Ouais, je me suis dit, un bavard, ça va pas être suffisant. Ils m'en font un deuxième et c'est avec le plus grand plaisir que j'accueille mon complice de la Beatsbox, Creepers, avec nous. Comment vas-tu, mon ami ? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai affronté la SNCF et le mauvais temps pour venir vous rejoindre ce soir. Parce que oui, c'est le soir, on vous donne tous les secrets. Je suis très content d'être là, très très content de faire un podcast avec Jared et bien sûr avec toi. Mais là, on commence à se connaître un tout petit peu maintenant dans le podcast. Mais voilà, bonjour tout le monde et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors avec ces deux loustiques, hein, c'était pas la peine d'avoir un quatrième, hein. Vous allez voir que ça risque déjà d'être un petit peu compliqué. Alors dans cette émission, on va la structurer un petit peu en deux temps. Régulièrement, on va vous nommer des jeux indés qu'on a aimés ou dont on a envie de parler, histoire qu'à la fin de l'émission, vous ayez un petit peu votre shopping list, hein, qu'on ait attiré votre attention sur un certain nombre de titres. Et par ailleurs, on va un peu s'interroger sur ce que c'est réellement les jeux indés et sur la façon dont on les consomme. Donc commençons déjà par parler jeux et on va démarrer avec Jarel qui va nous parler d'un de ses titres. Oui, je vais pas être très original, hein, je vais vous parler de The Witness qu'on peut retrouver à 40€ sur Xbox One, entre autres PS4 et PC. Alors pourquoi j'ai choisi The Witness ? Alors tout d'abord, c'est le deuxième jeu de Jonathan Blow qui avait quand même fait un jeu extraordinaire que j'avais énormément aimé aussi grâce à ses musiques qui ont donné une ambiance particulière au titre. Donc c'est Jonathan Blow et The Witness, c'est pour moi vraiment donc c'est créé par Tekka, l'équipe est beaucoup plus grande, enfin là ils doivent être au moins un petit peu moins de 10 pour faire ce jeu. Ah oui. Il a reversé tous les bénéfices récoltés par Braid pour le faire. Et c'est un jeu de puzzle et c'est peut-être en ce qui me concerne du point de vue artistique le plus beau jeu qui m'ait été donné de jouer depuis beaucoup de temps. Pas du point de vue technique, mais du point de vue artistique, maîtrise technique, mais enfin tout quoi, c'est vraiment un régal, c'est extraordinaire. C'est dans une petite île là qui renferme plus de je sais plus combien de puzzles. Il avait parlé de 500, entre 5, plus de 500 puzzles qui sont tout simples, mais qui sont tous basés sur en fait pas d'explication implicite. C'est nous qui devons petit à petit avec des essais savoir comment résoudre ces différents puzzles. Et on se perd dans cette subtile, extraordinaire. On est pris par l'ambiance, on est vraiment happé par le jeu. C'est vraiment un régal. C'est pour moi, j'en ai encore plein les yeux. Eh bah ouais, dis donc, on entend ça. Alors, chers auditeurs, hein, pour la petite histoire, sachez que j'avais dit à mes comparses. On va nommer les jeux, allez, on fait quoi, 3-4 phrases sur chaque jeu, pas plus. Et Jarel m'avait dit, est-ce qu'on peut faire des phrases longues? Alors vous voyez, il feinte en mettant des « et » à la fin des phrases. Un tricheur. Ah mais quel tricheur. Il y en a un autre qui est un sacré tricheur parce qu'il en a carrément mis deux. Donc pour le coup, il va falloir que tu te débrouilles avec ça, Creepers. Alors je vais faire un peu, juste vous embêter, juste ce qui est important avec The Witness, juste deux secondes, c'est quand même aussi le mec qui avait fait donc Braid, comme tu l'as dit, c'est quand même le jeu qui avait beaucoup lancé l'indé à l'époque, je sais pas si vous le rappelez, sur Xbox 360. Donc c'est vrai que ça tombe plutôt bien qu'on parle de ça. C'est vrai que du coup Jonathan Blow est vraiment important dans la scène indé parce qu'il a vraiment été un porte-étendard de ce style de jeu sur Xbox en tout cas. Donc oui, j'ai triché parce que alors il y en a un, je vais parler plus que l'autre, hein, ça va être très rapide sur Grip. Donc il y a Grip, voilà, qui est un jeu de course qui est encore en early access d'ailleurs et qui est un jeu qui a été fait par les personnes qui avaient fait à l'époque, si vous vous rappelez, de Roll Cage sur PS1 et oui. Sur PC. Il y a une espèce de gros jeu de course avec à la Wipeout avec des armes, sauf qu'on avait un véhicule qui avait quatre grosses roues qui pouvait du coup changer de côté n'importe comment en roulant dans des tuyaux, etc. Du coup, il y avait des circuits qui étaient super bien fichus. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, on aimerait bien refaire un jeu de ce type-là. Et c'est la première fois où je prends un Early Access parce que ça avait l'air relativement solide. Je l'ai payé 15€ sur Steam. Il arrivera normalement sur console une fois qu'il sera complètement terminé. Et c'est un jeu qui techniquement est super beau. Et c'est là où on voit aussi la variété dans les jeux indés, ce qu'on peut avoir des jeux, et aussi avec The Witness, des jeux techniquement hyper aboutis. Et aussi des jeux qui vont être beaucoup plus simples. Et donc voilà, Grip, j'aime beaucoup, un jeu de course vraiment bien fichu, avec des bons circuits, un peu limité pour l'instant, mais qui vaut vraiment le coup si vous aimez les jeux à la Wipeout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et donc All Boy, qui est le gros morceau de cette sélection pour débuter l'émission. All Boy, qui est un jeu d'aventure en 2D. D'ailleurs, je me suis procuré la version boîte via le site Indiebox. Si vous aimez les jeux indés, c'est plutôt pas mal. De temps en temps, ils font des versions limitées pour des versions boîte de ces jeux-là. Et All Boy, donc, c'est un jeu entièrement en 2D, visuellement magnifique. Si vous avez l'occasion, regardez un petit peu des vidéos sur le net. Mm-hmm. C'est donc un jeu d'aventure. On dirige un petit garçon hibou, chouette, je sais plus trop. Et en fait, on peut voler, donc on peut se balader. C'est un mélange de jeux de plateforme, de réflexion, on peut se déplacer un petit peu partout, de découverte, du coup je perds mes mots, d'exploration. Metroidvania en gros. Un petit peu Metroidvania, voilà, parce que tu vas avoir des pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est un jeu qui m'a enchanté. Il y a un peu de Ghibli dedans. Visuellement, il y a beaucoup de références forcément des jeux à la Zelda, etc. Mais c'est vraiment un jeu qui a sa propre identité visuelle. Ils ont mis énormément de temps à le faire. C'est sur quasiment 5 ans, je crois, ils ont mis à faire ce jeu. Et je vous le conseille énormément parce que la musique est superbe et le jeu est vraiment magnifique. Alors attention, hein, c'est Old Boy, pas Old ouais, Boy. Oui, ouais, c'est un peu plus vieux. Il y a pas de marteau dans All Boy. Bah, c'est très très chouette. Allez, moi j'ai mon petit jeu aussi. Hein. Donc le jeu dont je voudrais vous parler, c'est Oxenfree. Un jeu que je me suis payé pour 3 fois rien lors de soldes hebdomadaires sur la Xbox One. Et donc c'est un jeu d'aventure, hein, qui est en 2D, comme beaucoup de jeux indés, et qui est basé beaucoup sur les fréquences de radio. Toute l'histoire tourne autour de ça. À vrai dire, je l'ai pris après en avoir parlé avec un des gars de l'équipe qui avait aimé le jeu, qui avait été très intéressé par l'interaction entre les personnages, et c'est tout à fait vrai, même s'il faut être particulièrement anglophone pour pouvoir y jouer. Mais aussi, j'étais très surpris de voir un jeu qui était même un peu flippant, un peu survival horror, hyper bien. En fait, ça m'a carrément accroché alors que j'en savais pas grand chose. Donc ça coûte pas cher, Oxenfree, moi c'est le premier jeu de ma sélection. Il y a un petit côté emblème, non, dans ce jeu-là. Il y a un peu de ça, exactement, ouais. Tout à fait. Dans l'ambiance, ouais. On retrouve ce type d'ambiance. Bon, c'était notre première série, j'espère que vous avez pris des notes, hein, sinon vous revenez un petit peu en arrière pour noter tout ce qu'on a raconté. Maintenant, on va aller un peu dans le sujet, on va creuser un petit peu, là, parce que finalement, on a pris pour habitude de parler de jeux indés. Alors, t'as déjà joué à ce jeu, c'est un jeu indé. Mais c'est quoi un jeu indé? Est-ce que c'est facile de définir ce que c'est un jeu indé aujourd'hui, Creepers? Alors, est-ce que c'est facile si on reste sur le terme vraiment indépendant ? Donc, pour moi, un jeu indé, c'est un jeu qui est développé et édité par une équipe. Ça, c'est la vraie définition. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment ça. C'est que l'équipe va faire un jeu et ils vont eux-mêmes s'occuper de tout ce qui est autour. C'est-à-dire de faire la communication et aussi de distribuer le jeu. Donc, ça sera édité par, même on va dire Ubisoft, normalement, entre guillemets, ça pourrait être de l'indépendant. Parce que c'est eux qui font leur jeu, qui l'éditent, qui le fabriquent, qui le vendent, etc. Bah vas-y, fous en l'air mes questions, toi. Réponds à l'avance. Donc, pour moi, quand je parle d'un jeu indé, c'est que maintenant, je pense qu'on va y venir petit à petit dans l'émission. Pour moi, un jeu indé, vraiment, et c'est important parce qu'après, ça perd de son intérêt. Un jeu indé, c'est vraiment un jeu qui a été fait de manière indépendante, qui a été fait tout seul et qui sort, entre guillemets, par ses propres moyens. Ça, pour moi, c'est un véritable jeu indé. Ouais. Donc les jeux, finalement, les jeux Ubisoft, les jeux, certains jeux Sony, certains jeux Microsoft, ce sont des jeux indés aussi. Ah bah non, parce que là, si tu commences à dire certains jeux Sony, non, parce que t'as le côté indé, c'est là où le côté indé est compliqué, parce que quand tu as un jeu Ubisoft, logiquement, si tu pars là-dedans, on est sur de l'indépendant. Après, le jeu indé, c'est devenu, on va dire, une étiquette. Un label. Voilà, c'est le label indépendant. Et même, pour moi, un jeu, on va dire, un jeu comme Unravel, de Electronic Arts, c'est le cachet indé d'Electronic Arts, c'est-à-dire qu'on a le petit truc mignon, on a le petit message un petit peu écolo, rigolo, machin, où on se dit voilà, c'est l'étiquette indé, un peu comme Child of Light aussi d'Ubisoft. Oui, le soldat inconnu aussi. C'est un cachet pour moi. C'est ça qui est devenu un petit peu des fois on trompe un petit peu sur la marchandise parce que tu vas avoir des jeux qui vont être étiquetés indé, mais qui n'ont rien à voir au final. Ouais. Jarel, pour toi, c'est la même définition ? Moi, j'ai pas de définition en fait. J'ai cherché, effectivement, je me suis posé tout un tas de questions. Je veux savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeu indé exactement. Et la première chose qui m'est revenue à l'esprit en tant que vieux joueur, et ça va te parler toi et aussi Erwan, c'était cette époque radieuse entre guillemets, peut-être, je sais pas, de l'Atari ST et de l'Amiga à l'époque où on avait des disquettes 3,5 pouces qui circulaient sous le menton dans les cours de récréation entre guillemets et où on te filait ces compilations avec des jeux que t'avais strictement jamais entendu parler. Les mettais à l'intérieur de ton ordi, t'appuyais sur la touche 1, 2, 3, 4, et puis tu les lançais, tu les essayais, tu découvrais des trucs. Voilà, tu découvrais les jeux au fur et à mesure que t'appuyais sur les touches et que tu les lançais à l'intérieur de ton ordinateur. Et il y en avait qui t'accrochaient énormément, d'autres que tu t'essayais rapidement et que tu laissais tomber aussi, tout aussi rapidement. Mais voilà, c'était une sorte de foisonnement créatif perpétuel, et j'ai l'impression qu'on est retombé dans ce foisonnement créatif poussé par le Kickstarter, poussé aussi par le numérique. Le tout numérique n'a pas que du mauvais, et finalement on est dans une sorte de période faste du jeu vidéo, dans le sens où on peut dans petite équipe produire un jeu et le sortir. Et je suis d'accord. Alors je vais me permettre de rebondir là-dessus, parce que moi aussi j'ai quand même réfléchi aux questions que je vous pose, faut pas croire. Et finalement, j'en suis un peu arrivé à la conclusion que pour moi, le jeu indé, je le raccroche à cette notion de petite équipe. D'accord. Et parce que tu parlais de Unravel tout à l'heure, certes, c'est édité par Electronic Arts, donc ce n'est plus un jeu indé, mais le studio qui est derrière à la base, c'est un petit studio, quoi, qui s'est promené avec son jeu sous le bras. Comment est-ce qu'on considère un jeu comme Ori, par exemple? C'est pas forcément évident. Et le fait qu'on puisse aujourd'hui développer un jeu en étant des petites équipes, il y a même des mecs qui font tout tout seuls, quoi. Ah oui, absolument. Moi, ça m'a vraiment rappelé l'époque dont parlait Jarel. Je savais pas que t'allais en parler, Jarel, mais du coup, je vous donne une petite anecdote. Moi, mon père avait développé un jeu de canasta sur Amstrad CPC. Waouh. Sur cassette. Et il le vendait dans les magasins de micro-informatique. Donc on peut pas faire plus indé. Eh ben dis donc. Il le vendait rien, c'était juste pour partager sa création, quoi. Mais cet esprit de faire son jeu dans son garage, peut-être de façon un peu amateur au départ, et puis quand ça prend de la gueule, quand ça avance, ça peut commencer à devenir quelque chose de commercial. Pour moi, c'est ça que je raccroche au. C'est cet esprit-là un petit peu. Je pense que les plus anciens d'entre nous se rappelleront de Prince of Persia ou. Je suis en train de parler, mais j'ai oublié le nom du créateur. Johan Bushnell. Oui, Bushnell qui avait fait, donc il avait réalisé ça dans son garage, on n'invente pas, avec en prenant en motion capture entre guillemets avec les techniques de l'époque son frère et voilà quoi, c'est un petit truc familial. On le retrouve encore aujourd'hui. Hein, le truc c'est que à l'époque on parlait pas de jeu indé, on parlait de jeux vidéo tout court en fait. Et je pense que le problème c'est que justement on avait tellement eu l'habitude pendant un moment d'avoir uniquement des gros jeux. C'était la course à la puissance, que ton jeu soit plus beau tout le temps. Et on a tellement développé d'outils que est revenu justement le côté fabrication entre guillemets artisanale. Comment nommer ce type de jeu pour vraiment les séparer des triple A et donc décider d'appeler ça jeu indé, mais ça reste entre guillemets du jeu vidéo, sauf que il est plus petit et il le sépare de la production habituelle. Parce que on était arrivé quand même dans un certain process où la technique attire toujours énormément de personnes, hein, on se jette tous regardez, c'est dans tant de FPS, c'est vachement bien et tout, enfin c'est un petit peu comme au cinéma, hein, y en a qui sortent des films et qui disent les effets spéciaux étaient super, bon le film était pourri mais les effets spéciaux étaient super, et on a ça sur certains jeux encore qui sont des vitrines techniques mais qui globalement au fond sont oui, mais enfin on est ce que je veux dire c'est pas actuellement, mais on était arrivé à ça. Moi j'ai un souvenir, on va croire que je m'acharne dessus, mais Final Fantasy XV, certes il a l'air un petit peu joli, mais foncièrement dans le fond il est très mauvais quoi. Tu t'acharnes. Oui, je m'acharne, je sais, mais je l'ai mal parce que c'est une série que j'aime bien, bref. Le problème c'est qu'à force de dépenser autant d'argent, t'es obligé de toucher le maximum de monde aussi, et c'est là où il commence à se perdre dans les grosses productions quoi. Ouais, ça, on va revenir là sur ce point-là dans la partie suivante. Toi. Moi, j'ai une définition que j'ai trouvée justement en essayant de trouver une définition au jeu indé que j'ai trouvé sur un papier qui a été sur un petit blog de Reaper, comment il se fait appeler, le Reaper blog, et à la fin il termine son petit papier par une définition qui a été donnée par Sticky Depad. Qui dit, attention, l'accent anglais est super, hein, je prends des cours avec Sarkozy. Quite simply, if you are creating the game you want to create, you're indie. Donc en gros, c'est très simple, si vous créez le jeu que vous avez envie de créer, vous êtes indie. Voilà. C'est joli, et je crois que c'est assez juste en plus. Alors, on va étendre un tout petit peu, parce que c'est Jarel qui m'avait soufflé une question, mais que je trouve très pertinente. Est-ce qu'on peut considérer encore aujourd'hui qu'un jeu comme Minecraft est un jeu indé ? C'est compliqué, hein, parce que il était indé, et après le jeu de base est indé. Donc, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le jeu s'est perverti après avoir été racheté par Microsoft ? Après, est-ce que être racheté par une grosse boîte, c'est être perverti et perdre le côté indé ? Est-ce que ne plus être indé, est-ce que c'est un crime ? C'est Minecraft a toujours autant de succès, il y en a depuis sa création. Et le fait qu'il ait été racheté par Microsoft, pour moi, ne change rien du tout. Donc après, est-ce que c'est un jeu indé, on va dire que son créateur n'est plus là. Donc est-ce qu'à partir du moment où le créateur du jeu qui a disparu, est-ce que le jeu a perdu de son âme ? Je sais pas du tout. Mais j'ai pas vraiment d'avis sur le truc, parce que en fait, encore une fois, pour moi, le délire du jeu indé, pour moi, quand je parle de jeu, généralement, c'est ça m'embête même plus à chaque fois de dire j'ai acheté un jeu indé. J'ai acheté un jeu, quoi. Ouais, c'est là où la définition que suggérait Jarel, je la trouve très intéressante, parce que finalement, est-ce qu'on devrait pas dire, tiens, j'ai acheté un jeu d'un créateur? Oui, voilà, c'est en fait ce qui est très bien avec les jeux indés, ce que ça a apporté aussi un petit peu, c'est que ça a permis de remettre en avant les personnes qui ont fait les jeux. Donc généralement, c'est eux qui sont sur le devant de la scène parce qu'ils n'ont pas de communicants autour de ça, sauf si au bout d'un moment, peut-être un peu comme Unravel ou comme les personnes qui ont fait Ori, donc ils avaient un projet qui était magnifique et au final ils ont été un petit peu aidés par une grosse boîte comme Microsoft, Sony, etc. Mais ça permet justement d'avoir des créateurs, comme ceux qu'on fait Hotline Miami, etc. Ceux qu'on fait à l'époque Super Meat Boy. Ça a permis de remettre en avant ces gens-là. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de voir qu'au final, le jeu vidéo, c'est pas uniquement des équipes de 500 personnes, dont avec une personne qui fait l'eau, une personne qui fait l'arbre, une personne qui fait le soleil, etc. Donc ça a permis de faire pas mal de choses, mais pour le cas de Minecraft, est-ce que c'est important de savoir si c'est encore un jeu indé maintenant ? Peut-être pour certains, je sais que certains ne veulent plus jouer parce que depuis que ça a été racheté par Microsoft, etc. Mais bon. Je vous propose là de passer à un deuxième jeu, alors voire un troisième pour les tricheurs qu'on ne nommera pas. et pour le coup, je vais ouvrir le bal avec Dear Esther. Alors que j'ai choisi de vous parler de celui-là, non pas parce que c'est un jeu absolument génial, mais parce que dans ma petite sélection, j'ai essayé de mettre des choses déjà dont j'avais pas déjà parlé dans les podcasts précédents, mais aussi qui montrent la diversité de ce qu'on appelle les jeux indés ou les jeux de créateurs. Finalement, elle est très chouette cette définition. Et à ce titre, Dear Esther, c'est un titre qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est finalement à peine un jeu, c'est plus une nouvelle, c'est de la littérature illustrée. Donc il y a légèrement du gameplay, mais pas vraiment, c'est juste un objectif poétique. Alors nous voilà pour le coup sur quelque chose qui est extrêmement éloigné d'un jeu vidéo traditionnel, mais c'est ce qui fait le charme aussi de cette catégorie de jeux, et c'est ce qui fait le charme de Dear Esther, c'est cette fameuse diversité. Donc voilà, notez-le, si une adaptation littéraire ça vous dit rien, eh ben ne le prenez pas, mais si vous le croisez à 5 balles, qu'est-ce que vous risquez pour 5 balles? Donc Dear Esther à rajouter sur la petite voilà. Liste. Donc moi ton Dear Esther me fait penser à Three Fourths Homes, mais je sais pas celui que je voulais compter, mais c'est ça rentre vraiment dans le terme de l'expérimentation. C'est commence vrai que pas, ça commence pas à tricher hein, en mettant deux. Hein. Je te vois venir. Hein. D'accord. Mais si vous êtes intéressé, allez voir le test. C'est vraiment une expérimentation pas mal. Bon, moi je vais vous parler justement. Tu parlais de la diversité de Armello. J'ai pris ce jeu que j'ai testé il y a pas longtemps pour Xboxygène, parce que il était issu d'un Kickstarter lancé en Australie, donc il a largement franchi son palier qui était à 200 000, il est arrivé à 305 000 et des brouettes. Donc ça c'est Armello, je l'ai choisi parce que un, j'aime bien les jeux de société, les jeux de plateau, et Armello c'est un jeu de société, un jeu de plateau virtuel, donc sur console. Donc on perd un petit peu le charme des parties autour de la table entre copains. Ça c'est le gros reproche que j'ai fait à faire à ce jeu, qui par ailleurs est quand même excellent. Il y a des mécaniques qui fonctionnent très très bien, il est très joli. Et pour la petite histoire, je vais m'arrêter là, t'as vu, je suis très très rapide. La musique a été composée entre autres par Michael Allen et Lisa Gerrard. Alors Lisa Gerrard, c'est celle qui fait la très jolie voix de la musique de Gladiator. Donc voilà. Allez Creeper, c'est quoi ton jeu? Un petit peu de poésie? Eh ben, écoute, en direct, j'ai changé de jeu. parce que je me rends compte que même celui d'après, c'est un jeu qui est très violent et très bourrin. Donc, vous êtes là avec vos jeux poétiques et tout, où on se balade et c'est quand même chouette. Et moi, je suis là avec mes jeux. Donc, je ne parlerai pas de Butcher, mais je le place quand même. Écoutez la prochaine beatbox sur la musique de SF, on en parle un petit peu, ça je peux tricher. Mais en fait, je vais très rapide sur un jeu qui me semble important et qui montre aussi la diversité, c'est Papers, Please. Donc est un jeu de Lucas Pope qui est sorti sur plein de supports différents, et en fait dans ce jeu là vous jouez à douanier dans un pays qui est un peu complètement bloqué, un peu une version apocalyptique de la Russie si on veut, encore plus pourri que ça ne peut l'être maintenant, désolé si des Russes nous écoutent. Donc vous êtes un douanier et donc vous avez la lourde tâche après un attentat de devoir gérer les entrées dans le pays. D'accord. Et ce qui est super, donc c'est très basique en termes de visuel, et c'est là où toute la force de ce jeu, c'est que on arrive à rentrer vraiment dans l'humain et même dans le politique dans ce jeu-là, parce que c'est très très bien écrit. Donc je vais vous juste décrire une situation. Par exemple, vous avez une mère de famille qui arrive. Et donc elle va vous dire voilà, pourquoi vous rentrez dans le pays? J'ai mon enfant est malade, il faut absolument que je puisse le soigner, patati patata. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous avez des quotas à respecter. Donc telle ou telle personne, vous pouvez plus les faire rentrer et tout. Donc à vous de soit de frauder, vous avez un nombre de fraudes pour laisser passer des gens, et au bout de 3 vous êtes viré, du coup perdez votre emploi, vous mourrez, votre famille n'a plus d'argent, il meurt aussi. et parfois vous allez faire le choix de le laisser rentrer ou non. Et il y a des moments où vous allez laisser rentrer quelqu'un, il va se faire exploser, par exemple. Vous allez ne pas laisser rentrer quelqu'un et vous apprendrez qu'il s'est fait exécuter, patati patata. Donc c'est un jeu qui est hyper bien fichu, alors qui est hyper prenant, et vraiment on se prend au jeu. Donc on est vraiment avec la personne en face, et au fur et à mesure ils avancent. Et vous avez la lourde tâche de voir si vous laissez mourir des gens ou si vous voulez les sauver. Donc, c'est affreux. C'est affreux, mais ça montre encore à quel point le jeu indé, justement, les petits jeux qui n'ont pas de gros budgets, etc., peuvent aller plus loin. Il y a un véritable propos politique, et c'est pas du tout appuyé à coup de marteau, quoi. C'est pas manichéen. C'est pas manichéen, c'est pas débile, et ça fait réfléchir, hein, et en plus c'est prenant. Donc, Bon, bah voilà une transition toute trouvée hein, pour ma série de questions suivantes. Là, on vous a présenté des titres. Je crois que vous avez bien senti qu'autour du micro, vous avez affaire à des personnes qui aiment ce type de jeu. On va un peu s'interroger, mais pourquoi finalement on les aime, ces jeux indés, Jarel? Ben on les aime parce que justement ils sont très divers et c'est là où on trouve le maximum de diversité. Donc si on est assez ouvert, on peut vraiment trouver un panel mais considérable d'expérimentations diverses. Alors quelquefois c'est très déroutant. Je vais en revenir rapidement sur Three Four Homes, qui est pas un jeu à proprement parler, c'est juste une expérimentation narrative. Donc vraiment quand on se retrouve confronté à un jeu comme ça, on ne sait pas vraiment comment le prendre. Même en tant que testeur, mais en tant que joueur, on dit mais par quel bout le prendre, parce que l'expérimentation est intéressante en soi, mais on peut pas vraiment ça qualifier comme un jeu. Il n'y a pas vraiment de gameplay, donc c'est vrai que c'est pas évident à définir. Mais c'est très intéressant à prendre et à avoir ce genre de jeu, ce type de jeu dans les possibilités qui nous sont offertes sur console ou sur divers supports PC ou tablette. Donc toi, c'est avec la diversité que tu vas mettre en premier. Pour toi, Creeper, ce serait quoi, toi? Alors moi, ce que j'adore dans les jeux dits indés, c'est qu'en fait, ils osent pas mal de choses. Ce qui est très impressionnant avec le revival, entre guillemets, enfin l'explosion du jeu indé plutôt, c'est qu'ils ont même permis de faire revenir des genres qu'on jugeait désuets. Ouais. Donc on a des jeux de plateforme 2D. Avant on disait ouais c'est nul, on veut que de la 3D. Et finalement les gens adorent la plateforme 2D. On a les jeux d'aventure, Telltale, etc. C'est quand même de l'indé. C'est eux qui ont complètement révolutionné le jeu d'aventure sur un peu tous les supports. Ils ont même réécrit même la mise en scène dans les jeux vidéo sur pas mal de styles. Il y a les beat'em all. On dit les beat'em all, on se rend fou. Mais non, finalement les beat'em all c'est cool. Donc on en fait des jeux à la Mother Russia, Blitz, etc. Donc ce que j'adore dans le jeu indé, c'est vraiment que même dans certains styles, ils ont même apporté des choses. Je pense sincèrement que Resident Evil 7 n'aurait pas pu exister sans le jeu indé. Ouais. Parce que justement, tous les walking simulators qui ont explosé des systèmes comme Layer of Fear, comme Outlast, des choses comme ça, et justement aussi comme D-Rester, comme Gone Home, qui jouent aussi sur les codes de l'horreur sans vraiment en être, etc. Ça a même nourri les gros jeux parce que eux pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire ce genre de choses, ne pas expérimenter. C'est clair. Et ils se disent, si les gens aiment ce type de jeu, pourquoi pas ne le réutiliser? Et ça a quand même, pour moi, sauvé une saga comme Resident Evil. Donc c'est vraiment des jeux qui tentent. Il y a aussi plus de politique dans les jeux indés. Ils osent mettre des messages dans leurs jeux. Chose que tu n'auras jamais. Est-ce que finalement, du coup, parce que pour moi, c'est le critère numéro un, mais je me demande si on se rejoint pas là-dessus. Pour moi, l'atout majeur, je le résumerai en un mot, c'est liberté. Exactement. Ce qu'on voit dans ces jeux de créateurs, c'est que ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin de demander la permission pendant des réunions ou quoi que ce soit. C'est une vision d'auteur. Donc on a des propos qu'on ne trouverait mais jamais dans des jeux AAA. Mais je te rejoins aussi sur le fait que les jeux AAA vont puiser dans les jeux indés. Et finalement, ça c'est quand même quelque chose qui est aussi plutôt sympa. Mais surtout, si je peux rajouter juste une chose, je suis désolé. Hein, mais les jeux indés nous ont permis de nous rappeler que finalement la technique c'est pas tout. Bravo. Et que on peut tenter des choses, et justement le fait de pouvoir tenter de mettre de la politique dans un jeu, de faire revenir un jeu 2D, de vouloir tenter autre, même un jeu d'action de ouf, mais uniquement en 2D, des jeux comme Butcher, des jeux comme Not a Hero, où tu vas faire des trucs de fou en chorégraphie, c'est du pixel art. Pourtant tu fais des cascades, tu glisses sur le sol, tu traverses des fenêtres, tu fais des trucs de dingue, c'est hyper rythmé, et tu peux le faire parce que ça va pas coûter des millions et des millions de dollars. Et la diversité, elle arrive par là. Ça, c'est là où je dis que le jeu indé, entre guillemets, devrait se mélanger avec le jeu vidéo. Ça montre à quel point, comme dans le cinéma, dans la musique, tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire. Et un jeu, c'est un jeu. Oui. Mais c'est un problème. Là, je vais rapprocher ça un petit peu de l'architecture. J'ai une formation d'architecte. C'est que vu que les moyens sont limités, t'es obligé de pallier justement cette limitation financière par de la créativité et par justement des petits gimmicks qui te permettent de donner plus que ce que tu pourrais normalement. Si t'as un budget qui est immense, tu risques de t'éparpiller énormément voire exploser ce budget et te retrouver à sortir ton jeu même pas fini au bout d'un moment parce que t'as une deadline qui te faut remplir. Alors que là, la deadline sur certains jeux indés, hein, je te parle parle pas de tous, mais la deadline peut être poussée. Il y a même maintenant, tu parlais de GRIP en Early Access, maintenant on a une autre forme de financement qui est le Early Access, qui te permet au jeu de se développer. Alors après, on sait même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Hein. Il y a Ark aussi, un jeu de survival. Oui. Un an et demi qu'il est en Early Access ou... La Minecraft, oui, il a été en Early Access pendant des siècles. Oui, en Early Access, pendant des siècles. Oui, pas mal de... Oui, ça, là aussi, ça a duré pas mal. Mais au moins, si ton jeu il est pété, t'as une excuse, soit t'es au courant que quand t'as un jeu qui sort en retail et qu'il est complètement pété, comme Final Fantasy XV, tu poses des questions. Quoi. Alors, là, tu disais quelque chose, Jarel, qui est hyper intéressant en faisant un parallèle avec l'architecture. On a aussi parlé de cinéma un petit peu plus tôt. Et je crois que t'as incroyablement raison. C'est-à-dire que finalement, est-ce que Carpenter aurait été aussi bon s'il avait eu du pognon à pas savoir qu'en foutre? Il s'est planté, c'est encore autre chose. Quand t'as moins de moyens, tu dois pousser au maximum, notamment l'expression artistique. Absolument. Ce à quoi moi je suis extrêmement sensible. Vous en avez parlé tous les deux finalement, hein. C'est-à-dire qu'avec quelques pixels, on arrive à faire passer énormément de choses à partir du moment où on prend ça comme un art et pas comme une production, quoi. Moi, je mettrais justement sur la force de ces pixels. J'ai un jeu. Je vais retourner dans les Final Fantasy. Dans les Final Fantasy VI, tu as un moment où tu as Céleste qui se tourne, mais quelques secondes vers Locke. C'est que du pixel, hein. C'est du 16 bits pixel. Elle se tourne pendant 3 secondes. Elle le regarde et puis après s'en va. Là, juste sur cette scène, en fait, ça montre qu'il ne faut pas des dialogues comme tu as pu en avoir sur FF13 ou dans les autres où t'as une surenchère de dialogues, de scènes, de coucher de soleil, etc., de trucs qui sont totalement inutiles, là où juste un regard entre deux personnages peut résumer tout le lien qu'il peut avoir entre eux. Et c'est même plus loin, c'est un regard avec juste deux points noirs, hein, qui sont ouais, c'est sur deux points noirs, c'est de la mise en scène, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin de faire du jeu d'acteur, pas besoin de faire des effets de caméra, d'avoir énormément de 3D ou autre. Tu parles juste... de David Cage là, non? c'est exactement ça, c'est du bitcatch. Mais pas que ça, c'est vrai que c'est une mode terrible, quoi. C'est aussi les Uncharted, c'est tous ces jeux solo qui nous abreuvent de cinématiques à rallonge, quoi. En architecture, j'appelais ça le syndrome de la choucroute. C'est-à-dire que c'est moins classe que l'architecture. Tu vas voir ce que je veux dire. C'est plus tu rajoutes de choux, moins tu vois la charcuterie. C'est-à-dire que tu as un bon équilibre à trouver justement entre tout pour que tout s'assemble de façon correcte et agréable à l'œil. Donc t'as pas besoin de rajouter sans arrêt, d'avoir un surplus, et quand t'as du pognon, tu te sens presque obligé de remplir le vide, alors que le vide peut être un élément aussi très intéressant et un fondateur de ton jeu ou de ton œuvre. Et y en a beaucoup de jeux qui justement maintenant reviennent à cette notion de vide, d'utiliser le peu de moyens qu'ils ont pour faire passer énormément de sentiments, ou alors un discours comme avec Papers, Please, un discours politique engagé, super, quoi. Et il y a d'autres jeux, mais bon, les énumérer serait, vraiment, en fouillant, on peut tomber sur de véritables pépites, et c'est un régal, quoi. C'est une sorte de véritable coffre au trésor, et il suffit de fouiller, de soulever un petit peu deux, trois trucs, etc., et on tombe sur des jeux qu'on ne pourra jamais trouver dans du AAA et qui sont vachement moins chers en plus. Et alors, juste, cette façon de faire passer, on peut pas la faire passer avec des millions de dollars pour développer des cinématiques, donc on a besoin de moyens artistiques. Je voudrais revenir juste un instant sur un aspect qu'on a déjà beaucoup évoqué, sur la musique dans les jeux indés. L'exemple qui me viendra en tête, moi, ça va être To The Moon, hein, qui est un jeu en 2D qui est tout simple et où la musique fait passer une émotion de dingue. Sur un sujet assez complexe en plus, sur la vieillesse, la mort, le bonheur, enfin des tas de trucs encore qu'on voit pas dans les AAA. Et la musique, ça coûte pas plus cher à produire sur un jeu indé que sur une grosse production. C'est le cachet du compositeur qui fait l'affaire. Mais de ce point de vue-là aussi, on trouve des merveilles Ah, t'as des pépites, hein. Oh là là. Et puis on le sait assez pour faire la Beatsbox qu'on arrive à trouver des jeux qui ont une BO de ouf. T'as des artistes qui ont explosé avec la scène indé, donc toutes les BO des Hotline Miami, Faster Than Light. Ouais. On a vraiment des créateurs qui sont incroyables. Bon, après, au niveau du budget, t'as aussi la mode de récupérer des compositeurs du cinéma dans les triple A. On a le compositeur de Game of Thrones qui fait la musique d'Alex Gears of War, par exemple. T'as Brian Tyler qui fait les musiques des Assassin's Creed. Donc on a vraiment des gens, et c'est pas les meilleurs musiciens en plus. Hein. Brian Tyler, c'est pas non plus le meilleur. Ah, mais ça remonte à loin, hein, dans Metal Gear Solid. Ouais, je pensais à celui-là. Il y avait ça commençait avec Kojima, effectivement. Mais là, ça, ouais, on a Kojima est allé directement chercher son compositeur américain. Ouais. Donc c'est vrai que. Mais on le remarque finalement dans les campagnes Kickstarter aussi, où la musique, les compositeurs, font partie du packaging. Absolument. pour attirer maintenant le joueur. Ah bah, y a des stars maintenant. Il y a de véritables stars maintenant qui sont en tête d'affiche sur les Kickstarter. On fait venir Nobuo Uematsu, on fait venir Lisa Gerrard par exemple pour un mélo, j'en avais parlé. Donc vraiment, ça fait partie de la petite carotte aussi pour le jeu indé, pour attirer le joueur. Voilà, c'est pour attirer les fonds. La musique maintenant a une place prépondérante à l'intérieur du jeu vidéo, et c'est quand même super maintenant d'avoir d'excellents compositeurs. Alors moi, il y a encore une autre raison pour laquelle j'aime particulièrement ces jeux. C'est parce que j'ai l'impression que les jeux indés reviennent aux fondamentaux. Oui. Des jeux vidéo. Alors en plus, quand on est un vieux joueur, alors ici on est deux vieux et un peu moins vieux, mais bon, je vais pas vous faire un dessin, moi ça va faire 33 ans que je joue aux jeux vidéo. Ah, c'est mon âge. Voilà. Et ça fait que on a vu évoluer les jeux au fil du temps. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a posé un vrai problème, hein, sur les jeux AAA depuis quelques années. C'est que les jeux AAA, ils veulent tout faire. Oui, c'est par pied à fond. C'est monde ouvert, plus tu montes dans la voiture, plus tu prends l'hélico, plus tu fais de l'infiltration, plus tu fais de la grimpette, plus... Il y a un moment donné, j'ai envie de dire, filez-moi un shoot'em up, filez-moi un beat'em all, filez-moi un jeu qui se concentre sur une idée de gameplay et qui la développe, au lieu de passer dessus de façon superficielle. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve à nouveau avec grand plaisir sur les jeux indés, où comme il n'y a pas la même contrainte, on peut faire juste un beat'em all et se concentrer sur une idée de gameplay, ou un shoot, ou un jeu de plateau, ou n'importe quoi, mais juste partir d'une idée de gameplay ou d'une idée de narration et de l'exploiter, j'allais dire, pour de vrai. Mais ça fait presque partie d'examen de fin d'année aussi pour des étudiants de jeux vidéo, des travaux de fin d'études d'étudiants qui sont après devenus de véritables jeux par la suite. Comme tu dis, une idée de base qui va être déclinée au fur et à mesure le plus possible, c'est le principe de The Witness, où t'as un puzzle simple et qui va être décliné ad nauseam, quoi. Ouais. Et je pense, il y en a un qui me revient à l'esprit aussi, que j'avais beaucoup aimé, et en plus c'est un jeu français qui était sur DS à l'époque, qui s'appelle Nervous Breakdown, qui en fait ils reprennent le casse-brique tout con, hein, et qui développent et qu'ils essayent de proposer une multitude de gameplay différents sur le casse-brique simplex, et c'est vraiment très bon, et ça manque aussi, c'est-à-dire avoir une idée, essayer de la pousser au maximum de ses possibilités. Il faut aller à l'essentiel, il faut pas avoir de gras, parce que à un moment, c'est vrai que les mondes ouverts, par exemple, s'il n'y a pas une base fixe quand même d'histoire où je dois aller quand même d'un point A à un point B pour avoir quelque chose, j'ai du mal, je m'éparpille tout le temps et j'ai du mal à me concentrer sur 20 millions de gameplay différents, parce qu'au final, ils sont quasiment tous à moitié réussis. C'est donc, ça. Je vais prendre l'exemple du dernier Gears, il y a des passages en moto, honnêtement, autant pas les faire, quoi, parce que c'est hyper basique, c'est hyper simpliste, au final, c'est pour avoir une course plutôt spectaculaire, mais autant faire une cinématique qui dure 2 minutes et puis basta. Donc, on est vraiment sur des jeux qui veulent faire 3 milliards de choses, qui veulent mélanger des fusillades, qui veulent mettre des trucs où tu vas te planquer, qui veulent mettre de l'infiltration, alors que c'est toujours foiré, et alors que la plupart du temps, quand t'es sur un jeu où t'es un petit peu limité, tu vas te concentrer sur une idée, effectivement, et surtout tu vas la faire bien. Donc tu vas essayer de la maîtriser à fond et tu vas essayer de la faire évoluer au fur et à mesure de ton jeu. Ce qui est déjà pas facile. Hein, ce qui est déjà pas facile, exactement. À l'époque des 8 bits ou des 16 bits, tous les jeux étaient basés sur une idée de gameplay. C'est ça. Et il y avait des jeux qui étaient foirés quand même. C'est pas facile d'exploiter une idée de gameplay. Au contraire, je me demande dans une certaine mesure si les gros jeux d'aujourd'hui ne s'éparpillent pas pour, en quelque sorte, jouer la sécurité. Bah, en fait, ils vont vers là où il y a de la demande. Le monde ouvert, GTA a lancé le monde ouvert, les gens réclament des mondes ouverts. Après, un monde ouvert, si c'est pour ne pas avoir de réflexion autour de cet univers-là, c'est rare les jeux qui arrivent à maîtriser un monde ouvert, hein, d'avoir quelque chose de logique, de sensé. Ce qui n'est pas évident dans un monde ouvert, c'est justement de cadrer la liberté du joueur pour lui proposer une expérience valable et en plus de proposer un monde ouvert vivant, ce qui n'est pas évident aussi. Il faut avoir vivant et cohérent et c'est vraiment pas évident parce que ça demande énormément de moyens, énormément de boulot. Il y a CD Projekt qui arrive à merveille. Enfin, pour moi, The Witcher, Witcher 3 reste une sorte de pierre angulaire dans le sens, mais on s'éloigne totalement du sujet après des jeux indés. Mais justement, la capacité du jeu indé, c'est justement de proposer autre chose que le tout venant finalement du triple A ou des jeux à gros budget. Et c'est bien d'avoir du Witcher 3 et de pouvoir après aller dans quelque chose de beaucoup plus basique à côté, comme des petites, enfin je sais pas, se retrouver sur un petit Metroidvania like sur un Rocket League, sur un Rocket League qui fait avec pas grand chose, mais où t'es capté, t'es comme si on t'avait hypnotisé et puis t'arrives pas à lâcher la manette. Et qui aurait parié que ça allait marcher, ça, Rocket League? Qui aurait misé un copec là-dessus? Un jeu de course, un jeu de foot avec des petites voitures. Voilà. Franchement, est-ce que Electronic Arts se serait dit, je vais mettre de l'argent dans un jeu de course avec des voitures et qui vont mettre des buts? Et j'ai encore 2 minutes, Ron, je peux parler encore un petit peu? Mais vas-y. Ouais, magnifique. Je voudrais rebondir sur un truc, je viens de repenser en prenant mon téléphone dans les mains. J'étais un anti-jeu sur téléphone pendant un moment. Ouais. Parce que généralement, on nous balançait des jeux pourris, pas adaptés au téléphone. Et par exemple, dans les jeux indés qui m'ont intrigué et que j'ai tenté, il y a un jeu comme Lifeline, par exemple, qui est un jeu qui est complètement adapté au téléphone, parce que c'est un peu comme, pas comme Dearester, mais c'est une sorte de système, comme un roman interactif, où tu vas interagir avec, entre guillemets, une fausse intelligence artificielle qui va te poser des questions, et en fait, c'est un mec qui est perdu dans l'espace, et tu es la seule personne avec qui il peut communiquer, tu vas l'aider à avancer dans l'histoire. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, tu vois. D'accord. Et je suis tombé là-dessus, ça coûte 1,99€, c'est Peanuts, 1,99€. Et j'ai passé plusieurs heures, je l'ai même fait plusieurs fois, parce que du coup, il y a vraiment, en fonction de tes choix, tu vas faire évoluer le bonhomme. Et un autre jeu, là, qui vient de sortir, que j'ai acheté, que j'ai pas encore commencé, qui s'appelle Normal Lost Phone, où c'est comme si tu trouvais le téléphone d'un inconnu, dans le métro ou peu importe, et tu vas commencer à lire ses messages et à découvrir l'histoire de ce personnage, hein, qui a un petit côté voyeur, etc. Et c'est hyper bien adapté au téléphone. Donc encore une fois, c'est des jeux qu'on peut faire comme ça pour presque rien. C'est des jeux qui trouvent leur voie, parce que c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est une autre raison pour laquelle on peut aimer les jeux indés. Ça coûte rien. Mais oui, tu peux grignoter par-ci par-là. Un jeu comme Her Story, que j'ai adoré faire sur PC, qui est un jeu FMV dont tout le monde se moquait à l'époque du Mega CD. Là, le mec, il s'est dit, je vais faire un jeu en FMV, et ça fonctionne. Un jeu d'enquête où tout est fait à base de bandes qu'on retrouve pour essayer de mener une enquête jusqu'au bout. Et tu peux le faire très rapidement, tu peux le finir en 2 heures. Mais honnêtement, même si je l'ai payé, je crois que c'était en solde de Steam à moins d'1€, je crois. J'ai passé un super moment. Et même si je l'avais payé, honnêtement, je l'aurais payé peut-être 5€. Moi, la durée de vie, entre guillemets, je m'en fiche tant que j'ai un moment différent. Tiens, je vais même rebondir là-dessus, Creepers, parce que moi, c'est une autre raison pour laquelle j'aime les jeux indés et pour lesquels j'en consomme beaucoup actuellement, la durée de vie. Le format du jeu qui se boucle on va dire, entre 2 et 5 heures, moi, c'est quelque chose qui me convient, mais parfaitement. Ben oui. Finalement, de dire un jeu, c'est un défaut parce qu'il n'est pas assez long, ma foi, je préfère mettre que 10 balles sur un jeu et passer 3 heures avec un contenu qui est resserré. Le jeu, il dit ce qu'il a à dire. plutôt que d'avoir quelque chose qui traîne en longueur. Moi, ça correspond à ma façon de jouer aujourd'hui. De toute façon, dès que tu commences à avoir des enfants, une vie de famille, etc., c'est vrai que les gros jeux qui nécessitent énormément de temps à finir, pour les finir, faut s'accrocher. Alors que c'est vrai que les petits jeux de 5 heures, c'est très bien. Et c'est vrai que si tu as le... Moi, je pense à Turing Test, par exemple. Mmh. Le jeu est court, mais à la fin, tu dis « Waouh !» Il y a du fond, ça te questionne, c'est intéressant, et là tu dis je peux le conseiller à 20€, 30 facile, parce que même si la durée de vie n'est pas conséquente, au moins il t'en reste quelque chose. Bon, Turing Test que j'ai pas nommé parce que j'en avais déjà parlé assez longuement dans un podcast précédent. Alors vous avez vu, chers auditeurs, hein, on est en train de gruger mais comme des porcs, puisqu'on profite de développer nos propos pour faire du name dropping à tout bout de champ. Ah bah oui. Alors là, franchement, j'espère que vous avez bien votre carnet à portée de main et que vous avez noté tout ce qu'on vous a dit. Et pour le coup, allez, on va passer au vrai jeu dont on a envie de parler. Alors, on n'arrête pas, hein, mais celui sur lequel on va mettre une petite lumière. Jarel, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors moi, je conseille SteamWorld Est auquel j'ai joué sur Vita, moi. Donc ce que j'adore avec les jeux indés, c'est jouer sur portable. Je trouve le format portable idéal pour certains jeux, et SteamWorld Est en fait partie. C'est le deuxième jeu des créateurs de SteamWorld Dig, là qu'on peut retrouver sur Xbox One, alors que Est non. Alors c'est un jeu de stratégie, on peut dire ça, au tour par tour. Où on dirige des robots latéralement, en 2D, t'as les niveaux qui peuvent avec des échelles, etc., donc qui sont assez sympas. Et leur tir, en fait, parce qu'ils ont des armes, ils ont des vieux pistolets, etc., leurs tirs peuvent rebondir sur les murs. D'accord. Donc ça donne quelquefois des, un petit peu comme dans Worms, des effets inattendus à tes tirs qui peuvent toucher un bidon explosif sans faire exprès, etc. Enfin bon, bref, c'est une sorte de jeu de tir, de STR, flipper, etc. Enfin c'est vraiment énorme. Donc là c'était voilà, on peut retrouver à 15€ sur iOS, sur Steam. Okay. Moi j'ai beaucoup aimé, et notamment sur Vita aussi. Donc voilà, allez-y. Bon. Je vais m'arrêter sur un jeu qui est sorti sur Xbox One qui s'appelle Fru, je sais pas comment on le prononce. Alors parce que c'est un jeu qui utilise Kinect. Kinect, quoi, ça existe encore ce truc? Et oui, alors je continue d'assumer le fait que Kinect c'est un gâchis, qu'il y avait des choses à faire avec. Ah oui. Et que Fru en est un parfait exemple. C'est un jeu de plateforme qu'on peut jouer seul ou à deux, c'est plus marrant à deux. Où le corps de la personne fait apparaître un deuxième décor, comme si le décor était sur deux plans, ce qui permet de faire évoluer son personnage, soit en faisant là où il y avait de l'eau, quand on met un corps, on met son corps devant, ça devient une plateforme, il faut se déplacer en même temps que le personnage. Donc, alors attention, c'est pas de la gym, hein, c'est pas hyper physique, mais c'est un jeu qui est basé sur une idée toute bête, mais très très très efficace, et c'est juste super fun. Donc les gars, ils ont tapé dans le mille. Donc ceux qui n'ont pas débranché leur Kinect ou qui louent encore, franchement, ça vaut carrément le coup. C'est un super petit jeu. Encore une fois, plein de poésie, cette fameuse poésie dont Creepers raffole avec son jeu qui est... J'ai envie de changer encore. Elle est chiante ton émission, parce que il y a trop de jeux qui me viennent en tête, parce que je voulais parler de Mojo Rusha Blitz, qui est un hommage de ouf à Street of Rage 2, et avec plein de bonnes idées dedans. Mais au final, je l'ai vu que j'ai pas beaucoup nommé de jeux Xbox One. Je vais parler de Super Hot. Super Hot. J'adore ce jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas Super Hot, c'est donc un FPS avec des décors, alors encore une fois assez simples, qui reposent sur du blanc et du rouge. C'est très vectoriel. En vectoriel, exactement, je cherchais le mot. Et la particularité de Super Hot, c'est que le temps n'avance pas tant qu'on ne fait pas avancer le personnage. Donc on est sur des tout petits niveaux, en fait, où alors au tout début c'est très très simple, on va avoir des ennemis qui vont arriver très simplement, donc du coup on va tirer, et tant qu'on n'avance pas, bah sa balle n'avance pas, donc on a une espèce de mode bullet time constant où on va pouvoir gérer la vitesse. Donc soit on avance très très vite et du coup le temps, et bah, c'est du temps réel, et là on a vraiment beaucoup de mal à éviter les balles, et plus on va avancer dans le jeu, plus il y aura d'ennemis, plus les niveaux seront compliqués, et plus il faudra vraiment penser comme un casse-tête quasiment. Ce qui fait travailler non seulement les réflexes quand même si c'est lent, ça qui est assez particulier. Et il y a une espèce de mise en abîme rigolote, même si le scénario est un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a une mise en abîme assez sympa du jeu vidéo. Mais surtout le gameplay, donc c'est vraiment sur une idée de gameplay qui est de base assez simple, mais qui est hyper bien utilisée. Et le seul regret que j'ai avec Super Hot, c'est qu'il y a une version VR qui existe et qui est, paraît-il, absolument fabuleuse. Et je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais en tout cas, j'adore ce jeu. Ça a l'air d'être très adapté. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment nickel, il paraît. Mais en tout cas, le jeu, déjà, en tant que tel, est très sympa. Donc, je vous invite à tester Super Hot. Ouais, et moi, j'avais pu l'essayer sur un salon, à l'E3 probablement, et j'avais rien compris en première intention. Ça ne m'étonne pas, t'es trop vieux. ça doit être ça. Mais je l'avais trouvé très intrigant visuellement. Ouais, non, mais il y a une vraie patte graphique et c'est très bien fini. Et vraiment, du début à la fin, je ne me suis pas ennuyé. Les niveaux sont bien pensés. Et en plus, forcément, c'est fait pour être refait plusieurs fois, parce que plus tu vas refaire le jeu, plus tu vas t'améliorer, et c'est un pur jeu pour le speedrun, hein. De toute façon c'est vraiment excellent quoi. Allez, on va passer à la dernière question qu'on va se poser, dont on va parler ensemble, parce que finalement vous avez vu, hein, l'air de rien, des jeux, bah, on en balance, parce que sur la scène indé, des jeux, il y en a des milliers. Presque tous les jours, il y en a qui tombent. C'est juste complètement dingue. Alors, il y en a sur toutes les plateformes, ça aussi on l'a évoqué. On en a sur des téléphones, sur les consoles portables, sur les consoles de salon, sur le PC bien entendu, sur Steam, sur GOG, sur tout ce que tu veux. Ça foisonne. Ce qui fait que c'est pas toujours évident de savoir à quoi on va jouer finalement. Et alors moi j'ai ma petite méthode, hein, je vais me la garder pour l'instant, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites pour choisir les jeux indés auxquels vous allez jouer, parce que vous n'allez pas me faire croire que vous essayez tous les jeux qui sortent, c'est pas possible. Creepers, tu fais comment ? Bah, je vais sur Xbox Hygiène. Oh là là, t'es corporel, toi, dis donc. C'est pas ça la réponse, normalement. C'est vrai qu'on en teste un paquet. Ah, tu m'as fait signer un papier. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter parce que c'est vrai qu'au niveau réactivité sur les jeux indés, je trouve que le site est quand même très bon là-dessus, parce qu'il n'y a pas tous les sites qui arrivent à tester autant de jeux indés qu'en tant qu'indépendant, parce que vous êtes indépendant aussi, il faut le signaler, hein, on est vraiment à fond dans le truc. Donc il y a Xboxygen pour les jeux qui vont être sur Xbox One ou qui sortent un petit peu sur tous les supports, hein, faut le signaler quand même. Mais il y a bien sûr tous les sites, notamment moi j'aime bien, donc j'ai oublié le nom du site, hein, c'est bête, alors, j'ai pas envie de faire des clics de bruit de clics, mais il y a un site qui est vraiment basé sur les jeux indépendants, qui est très très bon, je crois que c'était IndieMag, si je dis pas d'annerie, et qui parle justement que de ça. En tout cas, il existe. Il existe, en tout cas, je crois que c'est celui-ci qui est très très bon et qui est assez réactif aussi. Il y a aussi un truc, moi du coup, je suis placé un petit peu sur PC depuis quelques mois, et il y a sur Steam les curateurs, ce qui peut être très très pratique quand on a à peu près les mêmes goûts. Alors certains journalistes sont inscrits, etc., donc on peut avoir des tests, mais moi, comme tu le sais, on peut aussi m'appeler Super Saucisse. Bah ouais. Et donc j'achète beaucoup. Et donc je peux des fois tomber sur du caca, hein, et des choses qui sont pas terribles. Mais je suis quelqu'un qui achète un petit peu à la jaquette, bizarrement, sur les indés, parce que les mecs ils se défoncent, hein, sur les visuels parfois. C'est vrai. Donc ils savent te vendre du rêve avec certains visuels. Donc des fois ça me permet déjà d'attirer mon regard, de voir des trailers, parce que il y a certains jeux qui sont pas du tout couverts médiatiquement. Il y en a certains qui explosent d'un seul coup parce qu'ils arrivent via un très bon gameplay, etc., d'un seul coup à exploser sur la sphère médiatique. Mais comme on est tous à regarder un peu partout, moi je sais que je regarde les fils d'actu, Twitter, il y a beaucoup de les gens sur Twitter qui partagent des fois des coups de cœur sur des jeux, donc moi c'est beaucoup les réseaux sociaux et un petit peu d'internet, mais c'est beaucoup les réseaux sociaux et les coups de cœur comme ça sur des jaquettes. Ouais, ok, bon, tout ça, ça me semble super recevable. Toi, tu fais comment, Jarel? Moi je dirais pareil, pareil. Pour moi, c'est l'arrivée justement de cette masse de jeux indés, c'est vraiment la porte ouverte au coup de cœur et puis au bouche à oreille. C'est j'ai l'impression presque que ça marche que comme ça. Comme notre émission, tu vas prendre tout un tas de jeux qui vont t'arriver au fur et à mesure. Il y en a un qui va retenir plus ou moins ton attention. Tu vas chercher rapidement, tu vas pianoter sur internet, tu vas essayer de te faire tu vas essayer de voir à peu près quel genre de jeu. Moi, j'aime pas les jeux de survie. Ah ouais, certains roguelike, etc. où tu crèves tout le temps, ou alors si t'as de la difficulté artificielle, je ne supporte pas. Quand je joue, c'est pour prendre du plaisir. Donc s'il y a un pic de difficulté qui arrive trop rapidement, ça me bousille tout. Je suis pas un adepte, un fou furieux de la difficulté à l'extrême, alors qu'il y en a pas mal de jeux indés qui proposent ça. Qui mise là-dessus, oui, c'est une catégorie. Qui mise là-dessus, c'est une catégorie. Il y a du public. Donc moi je fais mon tri là-dessus sur ce qui est sûr de m'intéresser et ce que je laisse de côté de toute façon, même si c'est très bien, je laisse de côté. Alors que quelquefois je me laisse tenter et je le regrette amèrement. J'ai acheté Don't Starve il y a un an de ça, et puis je reconnais qu'il doit avoir des qualités, mais c'est absolument pas mal. Si t'es pas client de toute façon, c'est absolument pas ma came, et maintenant je fais gaffe. Alors que c'était en roguelike, il y avait Rogue Legacy, voilà. Et celui-là, curieusement, j'ai accroché et je suis arrivé à la fin du jeu. Bon, je vais pas dire la fin super cachée, là où il faut finir le deuxième monde super super balèze, là où t'as la difficulté qui explose comme pas possible. Mais j'ai trouvé vachement chouette, et t'as beau mourir très rapidement quelquefois, tu recommences, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est fort, ce Jarel, hein, il place ses jeux tranquilles comme ça. Ah ouais, t'as vu, il y va, hein. Allez, moi je vous donne ma méthode d'achat. Donc, à toi. Bouche à oreille, il y a beaucoup de bouche à oreille qui va marcher aussi, et dans bouche à oreille, je vais inclure notamment les tests qu'on publie sur Xboxygen, parce qu'on en fait pas mal, et j'aime bien lire ce que font les collègues. Oxenfree dont je parlais, c'est comme ça que je l'ai acheté. Il y a aussi une partie, moi, qui va être liée au prix des jeux. Alors c'est tout con, hein, mais il y en a tellement que moi je peux pas suivre l'actu de tous les jeux, mais quand je vais sur GOG le week-end, je regarde ce qu'il y a, et puis surtout, maintenant qu'il y a ça sur les consoles, le mercredi, religieusement, je vais regarder sur ma Xbox One ce qui est en promo, et je dois dire que je peux très facilement me laisser tenter par un jeu qui coûte 5 balles, je suis pas très sûr de ce que ça vaut, mais pour 5 balles, ben je les mets, quoi. Je dis pas que ça fait mouche à chaque fois, mais si ça fait pas mouche, quelle est la conséquence? Ben, j'ai perdu 5 balles. Ok. Je trouve que le risque, il est assez faible. Je suis 100% d'accord avec ça. Et pour le coup, je vais aussi rejoindre mon ami Creepers, parce que sur les jeux indés, je suis un peu une super saucisse aussi. Ah, ça me fait plaisir. Là, je vais être tout à fait honnête, il m'en faut pas beaucoup pour passer à la caisse. Si t'as la BO avec, j'ai tendance à acheter. Ah, mais oui. Et comme disait Creepers, il y a l'achat jaquette, quoi. La description faite par le mec, il y a 3 screens, tu te dis ah, peut-être qu'il est en train de me rouler, ouais peut-être, mais il me roule quand même bien. Il faut dire, nous qui sommes fans des trucs années 80 et tout, dans le jeu indé ils y vont, hein. Donc niveau visuel, niveau trucs comme ça, dans les jeux indé ils savent nous caresser dans le sens du poil. Hein, donc, c'est ça, et c'est vrai que ça donne, c'est aussi cet aspect de créateur qui joue beaucoup. Quand le mec il vend bien sa sauce et que ça te parle, forcément, je trouve que ça attire la sympathie d'une certaine façon. Clairement. Et t'as envie de te dire, ce mec-là, peut-être que son jeu va pas être génial, mais il me demande combien? Il me demande 6€. Il est en train de me proposer un sujet qui potentiellement peut m'intéresser. Bon, à 6€, allez, je les mets, quoi. Ouais. Je les mets. Ah, c'est le piège. Ouais. Et alors je suis d'accord que c'est pas toujours bien, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive finalement à toucher des jeux ou à essayer des jeux vers lesquels on serait jamais allé. Moi, sans les promos hebdomadaires sur Xbox One, il y a des jeux que je n'aurais jamais touché. C'est comme ça que tu te fais une culture aussi, hein. Exactement. Donc, à un moment, c'est un peu le service que rend le jeu indé, c'est de pousser la diversité du jeu vidéo et de tenter beaucoup d'autres choses. Que si on reste uniquement sur le FIFA, le Call of, le Gears of War ou d'attendre la franchise annuelle, je trouve que c'est beaucoup plus varié, ça t'apporte beaucoup plus de choses. Des fois, ça te fait. On revient aussi au travail d'imagination. Ouais. Hein, donc, il y a plein de choses comme ça qui reviennent. Donc, c'est très très sain. Donc, un jeu à 5 balles, honnêtement. Quand j'arrive encore à lire des fois des jeux, ouais, il est trop cher, il coûte 5 balles, mais oh les gars, quoi, sérieux, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, alors que sachant qu'ils sont capables de foutre, on va moins dire maintenant 70 euros, mais quand même 10 fois plus sur des triple A qui vont leur procurer en beaucoup moins de sensations que le petit jeu à 5 balles. Ils vont vomir dessus dans les forums, vont dire ouais, il y en a marre, tous les ans c'est la même chose. C'est le but des forums, sinon ça n'a aucun intérêt d'y aller. on vous embrasse d'ailleurs. Bon alors ok, on a vu la méthode. Allez, je vois qu'on arrive à peu près à tenir le timing, hein, ce qui tient quand même du miracle. C'est impressionnant. Comme quoi, vous pouvez rendre grâce à un animateur absolument très rigoureux dans sa préparation. Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Très fort. Ah ouais, non, parce que sinon ça part n'importe où. Hein. Tu les tiens plus. Ah mais c'est ça, c'est comme ça. Hein. Voilà, bah, tu sais ce que c'est, ma pauvre dame. Hein, oh là là. On peut facilement dériver vers quelque chose qui n'a rien à voir avec le podcast. On peut parler de facilement. Ouais, d'ailleurs, on a oublié de le dire. Hein. Une bonne façon de savoir comment acheter un jeu indé, c'est aussi d'écouter ce podcast. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ou la Beastbox, où on en parle énormément également. Quoi. Alors, un petit dernier jeu à conseiller pour conclure. On va dire, allez, Jarel. Bon, bah, moi, je vais pas être original. Hein. On en a Creepers, on a parlé plusieurs fois durant le podcast. J'adore. Moi, je vais finir sur Hotline Miami. Un jeu, alors là, qui m'avait interpellé, parce qu'on m'a dit, ouais, la musique était pas mal et tout, mais qui, voilà, le côté violence à l'extrême, cracra, etc., où t'exploses les têtes à coups de batte de baseball, de club de golf, etc., ça me disait que moyen. Et j'ai sauté le pas un jour sur Vita, parce que justement, il était en promo à 2 euros, etc. Et le jeu a fonctionné sur moi, mais une sorte de drogue, quoi. T'y vas, tu retournes, t'essaies de faire ton run parfait, tu maîtrises de plus en plus. En fait, le principe du jeu est simple, c'est que t'as un niveau, c'est un étage, enfin, qui est composé quelquefois en plusieurs étages. Et t'as autant de décès que tu veux, mais tu dois tuer tous les gars du niveau en une seule fois sans qu'ils te crèvent. En gros, il se suffit en plus d'une balle pour que tu crèves. T'es obligé de faire un run parfait sans les laisser eux te tirer dessus. Et t'enchaînes ça dans une sorte de balai gore sanglant, mais qui marche énormément, et c'est terrible. Et les musiques défoncent. Ah, c'est un chaleur, on peut lâcher le mot. Ah, c'est super. Qui a lancé des modes. Et ça a été fait à la base par deux gars. Ouais, donc vraiment là, mais ce jeu-là, ça fait partie de ces jeux indés. On parlait de Braid justement en introduction de ce podcast. Ça fait partie de ces jeux indés qui sont des porte-étendards qui sont vraiment des firmaments. Si vous hésitez encore, allez-y, jetez-vous dessus. Vous verrez, c'est de la bonne. Puis c'est Devolver, hein. Faut juste rajouter ça, si vous aimez le jeu indé, Devolver. Ouais. Généralement, ils font plein de trucs un peu zarbi, Devolver, mais moi j'adore les suivre parce qu'ils ont tendance à avoir du nez pour recruter justement des équipes ou pour justement trouver des petits projets qui ont besoin d'éditeurs, et Devolver, ils sont très très bons là-dedans. Donc, eux sont éditeurs, suivre, eux ils sont éditeurs et ils font vraiment des petites trouvailles incroyables. Justement, I'm Not Hero, il y a aussi un jeu avec des pigeons comme ça, une comédie romantique avec des pigeons, ce qui est assez fou. Ils font vraiment plein de choix complètement zarbi, mais ils ont une ligne éditoriale assez dingue et ils se tiennent là-dessus. Alors parfois ça peut faire un peu poseur, se dire voilà, ils prennent ce jeu-là parce que ça correspond justement à une image un peu cracra, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que Devolver, Hotline Miami, c'est de la boule à taille. Et ça vieillira jamais parce que c'était déjà entre guillemets avec un style graphique entre guillemets moche, mais t'arrives à être dégoûté de la violence alors que c'est visuellement c'est vu du dessus comme les premiers GTA. Et la BO, elle défend, j'ai le vinyle, c'est magnifique. Alors moi je vais enquiller sur un jeu que j'ai terminé aujourd'hui. Qui illustre bien la façon dont on achète les jeux, hein, c'est Among the Sleep. Alors c'est un jeu qui m'avait intrigué à son annonce, hein, qui veut représenter en fait les peurs enfantines, puisqu'on joue le rôle d'un enfant de 2 ans. Franchement, j'avais regardé des trailers ou des machins comme ça m'avait pas trop parlé ce qui était montré, mais j'adore le concept de base, donc je voulais le prendre. Et voilà, mercredi dernier, les promos hebdomadaires Xbox One, Among the Sleep, allez, j'achète. Et je l'ai terminé. Alors c'est un jeu qui a un petit peu de mal à tenir la distance, hein, même s'il se joue en 2-3 heures, hein, le format habituel jeu indé. Il y a des passages qui sont plus ou moins réussis, mais j'ai envie de dire, on s'en fout, ça coûte 5 balles. Il y a quelques trucs qui sont pas super réussis, mais il y en a d'autres qui sont très très bien réussis. Et notamment la fin du jeu qui est plus qu'intéressante, on va dire, d'accord, et qui typiquement qu'on ne peut pas voir dans un jeu triple A. Voilà, c'est ça que j'aime dans les jeux indés. C'est, je l'ai acheté à cause d'un propos à la base, parce que c'était pas cher et je savais pas quoi en attendre. Et finalement, ben, je l'ai parcouru et il m'a apporté quelque chose. Donc, Among the Sleep, je rédigerai un test pour Xbox Hygiène dans les jours qui viennent. Enfin, ce sera sans doute publié au moment de la publication du bruit de fond. Et c'est sur ce jeu que je termine. Et Creepers, de quoi tu veux nous parler, toi? Je veux juste te demander, le boss de fin dans Among the Sleep, c'est Marc Dutroux? C'est... c'est vrai que c'est abusé, hein. Les triple A, ils auraient jamais osé. Non, non, parce que c'est pas un jeu belge. Ah, là, voilà. Non, c'est pour parfait. Ça. Moi, ça va, je suis rassuré. Ami belge, bonjour. alors, je vais rester un peu dans le côté un peu horreur, parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup tous les deux. Ouais. Bon. Et je peux te. Peut-être toi aussi, Jarel, d'ailleurs. Je vais juste t'interrompre avant que tu nous en parles. Parce que je viens de voir que le jeu dont tu vas parler est gratos sur pour le Xbox Live Gold au mois de mars. Magnifique. Donc foncez. Ça va me permettre de le découvrir parce que Layers of Fear, qui est un walking simulator horrifique. Comment résumer Layers of Fear? Le mieux, c'est vraiment que je vous dise rien. Donc c'est un jeu où on va débarquer dans un manoir, alors qui va être de plus en plus hanté, qui va subir des transformations un peu bizarres, où en fait le maître des lieux, un peintre fou qui voulait arriver à la toile parfaite. Mmh. Donc ça l'a rendu de plus en plus taré, et ce qui est assez grandiose dans le jeu, c'est que on n'a pas d'armes, encore une fois, donc on est là à errer dans ce grand manoir. Et ce qui est fou, c'est que le jeu arrive à jouer avec les codes du jeu vidéo, surtout au niveau de la mise en scène. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans un jeu qui va mettre plein de cinématiques, des trucs de dingue, c'est que vraiment on va rester en temps réel tout le temps, et en fonction de l'endroit où on va se retrouver, où on va se retourner, une porte aura disparu, un bruit va arriver d'un seul coup, donc le couloir aura complètement changé quand on va y arriver. Donc c'est un jeu qui s'amuse avec nos réflexes de joueurs dans un survival horror, et où il y a des petits casse-têtes comme ça par-ci par-là, mais vraiment principalement ce qui est fou, c'est la direction artistique du jeu, ouais. L'ambiance, les musiques, oh, les musiques. Et il y a vraiment un côté un peu putride à la Silent Hill. Moi je rapproche ça un petit peu de l'univers un peu à la Silent Hill, avec le côté tordu, et vraiment on a l'impression que le manoir se transforme en fonction de nos réactions et de la psyché. Donc c'est un petit tour de force que j'ai adoré. Silent Hill 4 The Room. Écoute, moi j'ai pas forcément. Ouais, on va pas dévier parce que sinon on va faire un débat sur The Room. Ouais, moi The Room, j'ai trouvé ça intéressant partir ailleurs. Les seules parties que j'ai trouvées intéressantes, c'est les parties où tu vois en première personne. Après, le reste, trouvé. Si t'avais dit Homecoming encore. Ouais, j'allais dire ce gros navet de Homecoming encore, j'aurais compris. Non, The Room. Mais on fera une émission spéciale The Room. Sans problème. En tout cas, Layers of Fear, je vous le conseille ardemment, d'autant plus que c'est gratuit, donc là vous n'avez pas d'excuses. Et moi j'étais pris dedans, je l'ai fait en deux fois, et j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce jeu. Si vous aimez un peu l'horreur, il y a beaucoup d'inspiration, je dirais, des films d'horreur des années 70-80. Il y avait beaucoup d'Dario Argento, de Fulci, des jeux sur des couleurs, etc. Donc si vous êtes réceptif à ce genre d'ambiance, vous pouvez foncer, c'est vraiment de la balle. Et juste un tout petit mot, tout petit sur Cuphead, parce que ça fait des milliards d'années qu'on nous l'annonce et qu'on y joue dans des salons, etc. Et Cuphead, un jeu qui reprend la charte graphique des dessins animés des années 30, que j'ai vraiment trop hâte que ça sorte un jour. C'est clair. Donc Cuphead, les musiques, ça a l'air vraiment super classe. Ça a l'air très dur aussi, parce que vraiment de ce que j'ai joué, c'était hyper dur. Mais Cuphead, j'ai hâte que ça débarque enfin. Voilà, bah écoutez, on va peut-être s'en tenir là. On a déjà fait quand même une sacrée sélection. On vous a parlé d'énormément de choses. Alors, écoutez, moi, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. J'espère que pour les auditeurs ça a été un plaisir aussi, mais j'en suis sûr parce qu'on sent bien la passion là pour ce type de jeu. Là j'avais des bons clients là aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir. En tout cas, c'est aussi un très grand plaisir partagé de refaire une émission déjà avec toi, Ron, hein, comme d'habitude, et aussi avec Jarel, que j'avais pas côtoyé depuis longtemps. Bah ouais, j'ai rempli mon petit calepin, moi c'est bon, j'ai des jeux à prendre. Alors écoutez, chers auditeurs, à la suite de cette émission, ce qui me ferait plaisir là pour le coup à moi là perso, c'est que vous n'hésitiez pas à nous abreuver de commentaires. Je le dis à chaque fois, mais j'ai parfaitement conscience qu'un podcast c'est un petit peu long à écouter, que quand on a fini, on pense pas forcément à revenir sur le site pour poser son commentaire. Parfois on l'écoute un petit peu plus tard. Mais vous pouvez aussi nous donner vos commentaires par Twitter, par Facebook, sur le site, peu importe, parce que j'aime bien avoir aussi votre ressenti. Alors déjà, sur l'émission en elle-même, hein, parce que ça permet de voir si on se plante pas trop, si vous aimez ce qu'on fait, mais aussi sur le sujet qu'on a abordé, parce que finalement, on a dit pas mal de choses hein, pendant cette émission, et je serais curieux de savoir comment vous jouez aux jeux indés, comment vous les choisissez, si ça vous intéresse ou pas, ou si c'est quelque chose que vous ne regardez même pas et que pour vous, les jeux vidéo, c'est forcément les triple A. Personne n'a raison, personne n'a tort, mais j'aime bien avoir un maximum d'avis, donc n'hésitez pas, posez votre avis, on est là juste pour discuter, pour échanger. J'ai envie de dire, voilà quoi, dans la paix et l'amour, en quelque sorte. Là, c'est important, ouais, tout l'amour, c'est important. Eh bien, à ma grande stupéfaction, le timing est tenu. Yeah. On l'a presque pas dépassé. Donc, je vais pas jouer les prolongations, histoire qu'on reste sur le créneau dont vous avez l'habitude maintenant. Donc, Creepers, Jarel, merci beaucoup encore une fois. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Bruit de Fond. Salut. Salut. Salut, ciao. Et sinon, on pourrait aussi parler d'un jeu qui s'appelle... Ah, c'est bien, tu me l'as gardé pour que ça reste à la fin. Oxygène, bienvenue dans le bruit fond. C'est notre rendez-vous mensuel, notre encart, notre émission et notre mission. Votre distraction, en restant décontracté du coup. On y parle d'actu mais pas seulement, on interdit rien pas. Dans le bruit fond, nos chroniqueurs savent ce qu'ils font. Du moins on l'espère, s'ils sont pas clairs alors clarifions. On est ultime d'experts, pas vraiment, on a juste des opinions. Des réflexions qu'on dispense pour que se lancent les discussions. Pendant 1h15, durée du bruit de fond, petite course de demi-fond. On n'hésite pas à mettre en avant tout ce que nous kiffons. Par contre ceux qui touchent le fond sans concession dégagent dans le siphon. Nous griffons, scarifions, bouffons, vite, foot, ou chiffon. 100% indépendant, on ne rend de compte à personne. On est tous différents, c'est pas la pensée ni qu'on claironne. Ainsi font les marionnettes, mais aussi les participants du bruit de fond. Nos voix sexy provoquent les moyens, y'a donc petits cœurs qui font. Ça y est, on glisse sur la fin comme sur des skis de fond. Amis d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond. Amis d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond.